Oh, j'avais pas branché le micro. C'est plutôt le rugby chez nous en Auvergne, l'ASM. Hein. Ah, ma carte. Guitare, non? Oh, cette batterie là, elle est un peu agressive. Hein. Tiens, on va essayer celle-là pour voir. Ah, oula! Cancel. Waouh, il la veut pas. Il m'a mis un message que je n'étais pas autorisé. Je vais changer le son de la batterie. Charger la batterie machine. Allez, trois accords. La gratte trop fort, hein. Encore ? Là, j'entends deux fois ma batterie, là. Ah non, c'est toi. D'accord, tu veux que j'arrête, alors ? Tu veux la faire ? Tu la mets ? Ok, je te laisse, Patrick. Ah, du coup, elle est moins forte. Là. Elle est pas assez forte pour moi. Ma guitare toujours trop forte ? J'entends pas ta batterie, moi. Tu peux la monter, ta batterie ? Pourquoi c'est pas assez fort hein. Bizarre. Tu vas jouer la guitare pour moi ? Là, les guitares sont plus fortes que la batterie là, vraiment un peu fort. Par rapport Dirty. Ah, ça va mieux là. Ça va craquer, hein. C'est mieux, hein. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Ouais, c'est beaucoup plus fort, ouais. Alors moi, ma guitare, est-ce que c'est bon? Ok. Je sais pas. Ouais. C'est pas trop fort ma guitare. Attends, je vais essayer de chanter. Alors un petit texte. Regarde tes yeux. Je pars à un. Ouais, je crois, ouais. Tu baisses un peu, tu fais chier à faire monter le volume, t'as monté un peu trop. I'm sorry. Du coup, j'ai pas pris de basse, j'ai pas volé ma basse. Vas-y, hein. Doc est parti. Vas-y, Dirty, comment? J'ai besoin de sentir ton corps la nuit. Quand je dors, je prends ta main. Dans ce monde de haine et l'égoïsme, je préfère tout ignorer, tout autour de moi. Oui, je sais, vous allez me dire, ce n'est pas la solution. Mais comprends que je suis fatigué d'essayer de faire le bien. I need to feel your body at night when I sleep, I'll take you out. C'est moi, ok. Dirty, I like dirty. Okay, dirty. I like your riff. One, two, Ready? I like. Pas mal, mais je fais n'importe quoi. J'ai beau chercher, Oh putain, comme ça. C'est à 90 là, d'un coup ? Able to prend the guitar or touch. Okay, I follow the piano. Putain, mais trop loin, mais il me pète les oreilles. Et tout à coup, ce fut le calme.